Boudaï, Michael Mind. Alerte radar. Avant d'écouter Kinvey, attention sur la nationale Lens-Béthune en direction de Béthune à hauteur de Lens-Ouest, juste après le rond-point, la photographie. Et puis notez, à Petit-Saint-Saulve, c'est à côté de Valenciennes, dans le rond-point, là près du point B, il y a il y a Sébastien qui nous a signalé un petit radar. Et puis des travaux également sur la départementale 1029, c'est l'axe Villers-Carbonel, Étré-Denicourt. Donc faites gaffe si vous êtes dans le secteur. Et puis accident toujours en cours. Oui, c'est toujours en cours, hein, sur l'autoroute A1, c'est toujours en cours en direction de Paris, dans le secteur de Saint-Denis. Accident de moto là depuis ce matin, donc évidemment prudence si vous arrivez dans le secteur. 0320 26 8000 en cas de souci. Le nouveau single du phénomène Kinvey est arrivé, il s'appelle Héroïne. Nous on va se replonger dans le carton de l'été. Ma vie au soleil dans un instant, et puis Italo Brothers sans nouveauté. Contact Up Mix. Dès 18h30, Mistrox et Serum DJ Serum prennent le contrôle des platines et mixent pour toi en non-stop. Non-stop. Salut, c'est Mistrox. Salut, c'est Serum sur Contact. Put your hands up. Up Mix change d'horaire. Rendez-vous entre 18h30 et 20h. Juste après Happy FX. Contact, la radio Enjoy. Wow, wow, wow. Oh, ils sont devenus complètement fous chez eux. Comment ça, Daniel? Eh ben, cette semaine, ils font jusqu'à moins 70% sur le deuxième produit identique acheté. Oh. Moins 70% sur de nombreux produits alimentaires. Eh ben, pour les familles, c'est un très gros coup de pouce au moment de la rentrée. Grosse économie. Ah ben, ça, c'est sûr. Hein. Jusqu'à moins 70% sur le deuxième produit. Vous vous rendez compte? Oh, chez eux, ils sont devenus fous et givrés, timbrés. Non, mais ils sont zinzin, fous, je vous dis. Ils sont fous. Ils sont c'est fous. Jusqu'au 8 septembre dans les Hyper U et Super U participants. Les nouveaux commerçants. Pour la rentrée, faites le plein d'économies avec nouvelle Fiat Punto équipée de la climatisation et d'un autoradio CD MP3 au prix incroyable de 8 590 €. Jusqu'au 30 septembre chez Fiat, faites le plein d'optimisme. Offre à particulier dans le réseau participant sous conditions de reprise. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 septembre selon autorisation. Fiat. Qu'est-ce que je peux demander de plus à la box de SFR? Demandez un très bon prix. En ce moment, la box de SFR est à seulement 19,90€ par mois pendant un an avec un multipack. Maintenant, je ne sais plus trop quoi demander. Demandez jusqu'à quand la box de SFR est à 19,90€. Et là, je vous dirai, c'est seulement jusqu'au 8 septembre et c'est sur sfr.fr, en espace SFR ou en appelant le 10,99€. Offre soumise à conditions valable dans la limite de 15 000 nouvelles souscriptions. 19,90€ puis 26,90€ par mois. 10,99€, appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. Carrément vous, SFR. Contact. Contact. Dans la vie, prendre un enfant dans ses bras, c'est lui apporter de la chaleur, le protéger et le voir sourire. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 9,90€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. La question du jour avec Carrefour. Et un mail de Sophie. La liste des fournitures scolaires quand on a trois enfants, c'est surtout la liste des dépenses. Jeanne, employée chez Carrefour. C'est pour ça qu'on vous propose la garantie prix le plus bas Carrefour sur 300 fournitures scolaires de marque, comme le cahier Oxford par exemple. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Donc pour la rentrée, y a pas à hésiter, c'est Carrefour. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. 96 pages grand carreau, format 24-32. Modalité hypermarché participant sur carrefour.fr. Liste des produits consultables en magasin. Flunch. Tous les jours un plat du jour. À part chez Flunch, avez-vous déjà goûté d'aussi bons spaghettis? Bah oui. Avec une sauce bolognaise comme celle-là? Bah oui. Et des légumes à volonté? Oh oui. Pour moins de 6 euros? Oui. Vous me faites marcher? Bah oui. Merci. Fluncher, c'est mieux que manger. Je fais le plein pour la rentrée, mais je ne vide pas mon porte-monnaie. Alors, du 4 au 16 septembre, chez Intermarché, les 3 camemberts présidents 250 grammes sont au prix de 2, soit 2,98€ au lieu de 4,47€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 3,98€ le kilo au lot, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Contact. Contact. Let's go. Radio Enjoy. Yeah, I'm all marvelous. I'm so hot, I'm hotter than lovelace. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. If I treat sex like a physical fitness, up and down like the stock market. Now baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. My life is a party. Monaco, Zento, Domingo, here we go, go. Hello, hello, can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello, do you receive my echo? My life is the party. Can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello. Do you receive my echo? My life is a party. Nouveauté à l'instant, Italo Brothers, le fournisseur officiel de Dance Music, c'est nous. Contact à Saint-Quentin, 97.5 sur Lille Métropole 91.4. Évidemment, toutes les fréquences, mycontact.fr, encore plus de nouveautés avec Avant les infos de midi, une pure merveille, Sander Van Dorn. Écoutez, exclu contact, Nothing Inside. I don't see it in your eyes, just a cold blank stare. No one's asking why, why you don't seem to care. We lost our way, lost our way. Maybe we've run out of time, driving ourselves out of our mind. Maybe we're missing the signs, all of our dreams making us blind. Maybe we're leaving behind nothing to see, nothing inside. Minds with nothing inside. 52 minutes de dance par heure. Contact, la radio Enjoy. Avec de la dance à Donf, du son Enjoy, le tout nouveau Neyo, Nervo, Rio et les infos. Contact, l'actu, Perrine Storm. Perrine, ça va pas du tout. Les auditeurs veulent porter plainte contre la rédac à cause de la météo. Vous annoncez de la n'importe quoi. On annonce, mais je vais encore continuer à annoncer n'importe quoi. En plus, c'est ça le pire. Parce qu'effectivement, il fait pas super en ce moment, mais pourtant, ça devrait se dégager cet après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, les Ardennes. Météo France prévoit un ciel encore un petit peu nuageux, mais avec quelques belles éclaircies quand même. Donc on croise les doigts. Et les températures, ça reste doux. Vous aurez 19 à Boulogne, 20 à Calais, 21 à Charleville, 22 à Lille, Valenciennes, Lens, Amiens, Compiègne, Lens et Saint-Quentin. Et 23 degrés du côté de Beauvais. Voilà, donc il va pleuvoir toute la journée. Pas du tout. On fera le point tout à l'heure à 17h. On verra si c'est le cas. Sur la route, rien à signaler par contre. 0320 26 8000, en cas de souci. Le point carbule moins cher aujourd'hui sur nos régions. Le samplon 95 est à 1,51€ à l'Intermarché de Roye dans la Somme. Le gazole 1,35€ à l'Intermarché de Gouvieux dans l'Oise. La disparition d'une jeune nordiste de 17 ans, Julie, n'a plus donné signe de vie depuis le 16 août. La jeune fille avait été placée en famille d'accueil à Lens, d'où elle avait fugué. Mais elle avait gardé contact au téléphone avec sa famille depuis mi-août. Plus rien. Son portable a été localisé en Garnier-le-Flandre. L'adolescente avait déjà disparu à l'été 2009. Elle avait été enlevée et séquestrée avant d'être retrouvée à Toulouse. La nuit a été agitée à Maubeuge. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés dans le quartier de Soulbois. L'un d'eux a provoqué une fuite de gaz. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pendant près d'une heure. 200 foyers ont été privés de gaz. 9 personnes ont dû être évacuées. Ils doivent permettre de lutter contre le chômage des jeunes et des seniors. On parle des contrats génération. Michel Sapin, le ministre du Travail, a fait parvenir aux syndicats un document sur le sujet. Les contrats génération visent à coupler l'embauche de jeunes et le maintien des seniors en activité. Ils seront obligatoires dans les entreprises de 300 salariés sous peine de sanctions. Pour les PME, ce sera facultatif. L'État leur versera deux aides forfaitaires de 2 000 euros. 500 000 contrats génération devraient être créés d'ici 5 ans. Un mort et un blessé grave dans une fusillade à Montréal. Ça s'est passé ce matin lors du discours de la nouvelle Premier ministre. Un homme d'une cinquantaine d'années a ouvert le feu sur la foule. Il a tout de suite été interpellé. Il aurait aussi mis le feu à l'arrière du bâtiment. L'US Open, c'est fini pour Gasquet. Le match Bartoli-Sharapova lui a été interrompu à cause de la pluie. La Française menait 4-0 contre la Russe suite du match tout à l'heure à partir de 17h. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Rio sur Contact. nouveauté contact. What's going on everybody, this is Neo. Neo, let me love you. Contact, la radio, enjoy. Let's go. Contact. Touch as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. Understand something that you never had. Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. Radar qui se promène sur l'autoroute A25 en direction de Lille. Alors attention, juste avant la sortie Castel-Wormhout, sur la rocade de Liévin maintenant, en direction de Liévin, autour de la sortie Helleux. On reste dans le Pas-de-Calais, il y a une zone de travaux, toujours dans le secteur, après la sortie Lens-Ouest sur la A211, donc bouchon, travaux sur l'A21, ça vous le savez. Et puis dans la Somme, qu'est-ce qui se passe dans la Somme? Et bien sur l'autoroute A16, il y a des travaux actuellement dans les deux sens, à hauteur de Port-le-Grand. Vous constatez un truc, vous êtes nos envoyés spéciaux, 0320 26 8000. La radio Enjoy. Allez, belle journée avec nous. Le tout nouveau José Derrico à découvrir dans un court instant sur Contact. Ça arrive, ce sera juste après Basto. Le Belge, I Rave You. Et puis n'oubliez pas ce qu'on vous offre toute cette semaine. Écoutez. Contact. Pour la rentrée, Contact t'offre 100 euros de fringues. Réveille-toi avec Maga des Maris entre 6h et 9h. Et gagne tes fringues Guess, Pepe Jeans, Levi's, Tommy Figure, Gestaro. Plus toutes tes marques préférées avec jeansattitude.fr. 100 euros de fringues pour toi au moins deux fois par jour. C'est seulement sur Contact, la radio Enjoy. Vous savez que vous achetez moins cher. Chérie, tu viendrais jusqu'à la voiture pour m'aider pour les courses? Bah oui, mais pourquoi? En ce moment, chez Leclerc, maxi format égale maxi économie, alors... Ah, maxi format? Oui, mais maxi économie. Et là... Depuis toujours, Leclerc se bat pour faire baisser les prix. Du 4 au 11 septembre, opération Maxi Format égale Maxi Économie sur de nombreux produits. Sans modalité dans les magasins participants. Moi, quand j'entends Maxi Format égale Maxi Économie. Oui, je vois. Ah bah quand même, hé hey, oh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change avec Orange ? Bonjour, je suis votre téléphone du salon. Aujourd'hui, ma vie a changé. Grâce à Open avec Internet, TV, téléphone et mobile, la famille profite aussi de forfaits mobile Open supplémentaires à partir de 14,90€ par mois, le forfait. Et jusqu'à 4, ça m'en fait des copains. La rentrée change avec Orange. Tarif du forfait mobile Open 1, engagement de 12 mois en gardant votre mobile. Offre soumise à conditions valables en métropole jusqu'au 10 octobre sous réserve d'éligibilité. Forfait mobile Open réservé aux membres du foyer de l'abonné Open, conditions sur orange.fr. Oh non ! Oh, il y a pénalty là ! Oh yes, trop fort, c'est génial ! Ah ouais, t'es pas dans la même équipe que moi toi, hein ? Mais si, mais là je suis sur un coup ! Quel coup ? De quoi tu parles ? Bah, je chatte avec plein de nanas. J'ai reçu des SMS de Claire 19, Clara 59, Cindy 2000... Eh, moi aussi je veux chatter avec elle ! Tu regardes plus le foot là ? Allez, s'il te plaît ! Allez, je suis sympa. T'envoies par SMS lien au 6-11-45. Attends, j'envoie lien, L-I-E-N, au 6-11-45 ? Bah oui, lien au 6-11-45. C'est le fiche, 35 centimes par SMS, sur coup d'envoi, service modéré et animé. Daniel, j'ai une question là. Attendez, je fais mes courses, je suis à vous dans 2 minutes. 2 minutes? Bah oui, avec courseu.com, je fais mes courses de chez moi, en quelques clics. Wow. Et c'est encore plus rapide avec ma carte U. Regardez, les produits que j'achète régulièrement sont regroupés dans la rubrique mes produits préférés. Très bien. Et c'est pas tout, je profite tous les mois de la sélection points bonus et je cumule des points à chaque commande, comme dans mon magasin. Voilà, c'est fait, 2 minutes, pas plus. C'était quoi votre question? Courseu.com. Les nouveaux commerçants. Conditions, frais de livraison et magasins participants sur courseu.com. À part Chef Lunch, où peut-on trouver un délice d'avocat au thon pour moins de 3 euros? C'est super facile. Vous sortez de Chef Lunch? Oui. Vous prenez à droite, puis à droite? Oui. Et encore à droite, et vous y êtes. Attendez, vous revenez Chef Lunch? Oui, c'est ça. Merci. Fluncher, c'est mieux que manger. Revenez le soir avec un ami. Flunch invite votre invité. Voir conditions sur flunchinvite.com. Contact. Rejoins la communauté Facebook de Contact. De Contact. Organisateur d'événements, BDE, club. Vous voulez un DJ de la team Contact pour votre soirée? Contactez Contact Booking. Booking@mycontact.fr. Contact. La radio Enjoy. Sofinco. Le taux canon chez Sofinco, c'est... jusqu'à demain soir. Demain soir, je dis. Seulement. Alors vite, rendez-vous sur sofinco.fr. Sofinco. Offre valable les 4, 5 et 6 septembre pour un prêt personnel de 4 000 à 9 999 euros sur 12 mois. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance. Grâce à la Halle, c'est compte tête de look à la rentrée. Choisissez un sweat, plus un t-shirt, plus un pantalon pour 24,99 €.